De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1, nous venons d'entendre Lumière Blanche d'Ève Cournoyer. Nous excusons d'avoir interrompu la chanson abruptement pour nous permettre de poursuivre notre émission spéciale Année Lumière internationale, spéciale Année internationale de la lumière. Et là, on va aller voir du côté industriel. Alors, on se doute que toutes ces recherches en photonique créent des allers-retours entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, entre l'industrie, les universités. Et nous allons en voir un exemple avec le docteur Éric Pinet. Il est chercheur principal chez Physo Technologies. Bonjour, monsieur Pinet. Bonjour. Alors, d'abord, il va falloir que vous nous présentiez cette entreprise. Oui, dans cette entreprise Physo Technologies qui est située donc à Québec, j'imagine. Qu'est-ce qu'on y fait chez Physo Technologies? Oui, alors Physo Technologies, en fait, est une entreprise très florissante, malheureusement encore assez peu connue dans la région de Québec, alors qu'on est en réalité un leader mondial dans le domaine des capteurs à fibre optique. Mm-hmm. Nous vendons des capteurs depuis plus de 20 ans. On a fêté nos 20 ans l'an passé. Et puis, donc les capteurs et les appareils capables de lire ces capteurs. Et on vend ces capteurs-là à l'échelle mondiale. Donc, essentiellement aux États-Unis, en Amérique du Sud, Asie, Europe. Et nous sommes représentés dans plus de 65 pays. Donc, nous, on ne vous connaît pas, mais il y a plein de personnes dans le monde qui vous connaissent, apparemment. Exactement. Et alors, donc, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui travaillent là, des chercheurs, peut-être différents types d'emplois également, peut-être des étudiants qui font leur stage chez vous, peut-être. Oui, il y en a un actuellement qui fait son stage. Il y a plus de 100 personnes, en fait, chez Physiotechnologie, et nous sommes en explosion démographique, si on veut, depuis plus de 9 mois. Et puis, nous avons une forte croissance suite à nos bons coûts industriels. Alors donc, vous développez des capteurs à fibre optique pour mesurer quoi vraiment? Alors en fait, nos produits sont des capteurs ponctuels, c'est-à-dire on mesure ponctuellement certains paramètres qui sont essentiellement des paramètres physiques. Alors, on parle essentiellement de la pression, la température, mais on a aussi des capteurs qui mesurent la force, la contrainte, les déplacements physiques et même les indices de réfraction, par exemple pour des liquides ou des gaz. Donc, un petit peu pour illustrer la technologie globale, nous avons un appareil qui, envoie une source de lumière, qui est généralement la lumière blanche, et qui est envoyée dans la fibre optique à l'intermédiaire d'un connecteur optique. Et le signal lumineux voyage le long de la fibre pour se rendre jusqu'au bout, où il y a un capteur qui, lui, est designé selon ce qu'on veut mesurer. Et il modifie la lumière selon son environnement. Mm-hmm. La lumière retourne vers l'appareil et est détectée. Et les changements sont mesurés et traduits en paramètres physiques. J'aurais pensé, je comprends intuitivement qu'on puisse mesurer les réfractions, les indices de réfraction des liquides avec la lumière, mais j'aurais pas pensé qu'on puisse mesurer des propriétés mécaniques. Oui, en fait, on est capable de mesurer, par exemple, la pression. Nos capteurs de pression sont un petit peu, vous pouvez imaginer, un espèce de tambour sur lequel on a une membrane très flexible dont la position dépend de la pression extérieure et on mesure précisément la distance entre cette membrane-là et le fond de la cavité et à l'échelle du nanomètre, on est capable de mesurer une petite variation et donc on a traduit ça en pression. Mais toutes ces mesures là ces capteurs peuvent mesurer, donc température, pression, indice de réfraction, on peut les mesurer avec d'autres appareils plus classiques. Donc, quel est l'avantage d'utiliser une fibre optique puis d'envoyer une lumière pour mesurer ces valeurs-là? Oui, en fait, les capteurs à fibre optique, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent, mais il y en a très peu qui sont rentrés sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'initialement, c'est plus complexe d'avoir des systèmes optiques. Un thermomètre, ça marche bien. Oui, mais les capteurs optiques, en fait, présentent de nombreux avantages que les autres capteurs électriques n'ont pas. Par exemple, ils sont complètement insensibles à toutes les interférences. Donc, si vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de radiofréquences, comme à l'intérieur d'un four à micro-ondes, impossible de mesurer une température dans un micro-ondes avec un capteur électrique. Également, les capteurs optiques sont insensibles. Donc, si jamais il y a un éclair, si vous instrumentez un barrage, par exemple, où il y a un éclair, eh bien, la mesure va continuer à se faire, alors qu'électriquement, évidemment, c'est tout brouillé. La résistance également de ces capteurs-là aux conditions extrêmes, la haute température, les hautes pressions, les environnements chimiques qui sont problématiques aussi. Mm-hmm. Et aussi le fait que le capteur lui-même est intrinsèquement sécuritaire, c'est-à-dire qu'avec la lumière, on n'a pas d'étincelle électrique. Et donc, pas de risque mm-hmm. de faire exploser, par exemple, un environnement chimique tel que les gaz liquides. Mm-hmm. Nous avons également des faibles pertes de puissance, si on peut mesurer à plusieurs kilomètres de distance le capteur. Ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est génie civil. Mm-hmm. Également, la fiabilité à long terme. La fibre optique est en verre, elle ne rouille pas. Ah, oui. Donc, sur des dizaines d'années, on peut avoir des fibres qui ne rouillent pas. C'est des capteurs en général qui ont une grande précision, une faible dérive. Et dans beaucoup d'applications aussi, la taille est très importante, comme les applications médicales où on veut miniaturiser au maximum. La taille est vraiment un gros avantage. Mm-hmm. Et là, on est vraiment dans un domaine où la fibre optique et les capteurs à fibre optique mm-hmm. ont un avantage par rapport aux capteurs électriques. Justement, parlons-en de ces applications de vos capteurs. Donc, il y a le domaine médical, par exemple, peut-être d'autres également. Nous avons également le domaine de l'énergie. Mm-hmm. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, nous vendons depuis plusieurs dizaines d'années des capteurs qui sont capables de mesurer la température à l'intérieur même des transformateurs de courant électrique. Donc, directement à l'intérieur du transformateur, on est capable de mesurer des points chauds. Chose qu'on pourrait évidemment pas faire avec un capteur électrique parce qu'il y a trop d'interférences dans ce milieu-là. Et on prévient ainsi que l'huile qui isole donc ces transformateurs ne se dégrade trop rapidement et on évite ainsi des explosions des transformateurs qui sont très, très spectaculaires et très dangereuses évidemment. Mmh. Dans le domaine médical, en fait, c'est surtout nos capteurs de pression qui ont la cote, en fait, parce qu'ils sont très fiables et surtout très petits. Chez Physiotechnologie, typiquement, nos capteurs ont une dimension de l'ordre du demi-millimètre au quart de millimètre. Et nous avons même un capteur commercialisé qui a un huitième de millimètre, 125 microns. La taille d'une fibre optique, c'est le plus petit capteur de pression au monde. Mm-hmm. Et donc, ces capteurs-là sont utilisés dans diverses applications. Pour les capteurs de pression, souvent, on mesure la pression sanguine à des endroits spécifiques dans le corps humain. Comme ils sont miniatures, ils peuvent être intégrés dans des cathéters instrumentés, destinés notamment à des chirurgies minimalement invasives mm-hmm. qui sont de plus en plus populaires. Mm-hmm. Par exemple, dans une des applications que nous avons, il y a un de nos capteurs de pression qui maintient des patients en vie en permettant de synchroniser le gonflement d'un petit ballon qui est positionné dans l'aorte et qui est gonflé, dégonflé au rythme du cœur, en fait en contre-pulsation cardiaque, et qui permet de pousser le sang oxygéné vers le cœur, les poumons, le cerveau du patient, et donc l'aider à récupérer d'une chirurgie cardiaque, par exemple. Mmh. Je voudrais, parce que le temps passe, je voudrais qu'on parle aussi des clients de vos technologies. Qui c'est qui achète vos technologies? Alors, en fait, nos clients sont très variés. Ça va du laboratoire de recherche à l'université ou dans les centres de recherche aux petites entreprises que l'on accompagne dans leur démarrage technologique, mm-hmm. En passant par des compagnies de taille moyenne, bien établies, par exemple des intégrateurs spécialisés, aux multinationales qui souvent sont dans le domaine médical ou le domaine de l'énergie. Nous favorisons chez Physiotechnologie surtout les clients OIM, c'est-à-dire ceux qui intègrent nos produits à l'intérieur de leurs propres produits. Nous pouvons bien comprendre leurs besoins et puis développer avec eux la meilleure solution mm-hmm. pour leurs applications. Mm-hmm. Et finalement, également, bon, j'imagine, vous avez dit que vous avez un problème de croissance démographique. Ça veut dire que vous recrutez souvent. Ah, oui. Puis, quel genre d'emplois reliés à la recherche et au développement de la technologie sont présents chez Physio? Est-ce que c'est des emplois de chercheurs, de techniciens? Est-ce que c'est des gens qui sont formés en optique photonique ou autres, en génie mécanique peut-être? Je sais pas. En fait, Physiotechnologie est une entreprise naturellement axée sur les technologies liées à l'optique, comme on peut l'imaginer. Et mais ce n'est pas tout. En fait, l'optique est au cœur, mais il y a beaucoup de disciplines multiples. Oui, c'est ça. C'est très multiple et multidisciplinaire. En fait, il y a par exemple de l'électronique, mm-hmm. des expertises en électronique, en conception de cartes électroniques pour nos appareils, de la mécanique et du dessin industriel pour la conception des appareils, des capteurs, ainsi que de tous les outils de production. Mm-hmm. Il y a de l'informatique pour les logiciels embarqués, les interfaces utilisateurs, de la robotique aussi, parce que nous avons mm-hmm. certaines chaînes qui sont automatisées. Nous avons des experts également en microfabrication, des pots de couche minces. Ça, c'est assez complexe et les compétences que l'on a à l'intérieur de la compagnie vont du doctorat, postdoc, ingénieurs, beaucoup de gens qui ont des maîtrises, des techniques, des gens qui sortent du cégep ou même simplement du secondaire. Et dans ce domaine aussi, en plein développement, est-ce que c'est difficile de recruter en ce moment? En fait, est-ce que vous arrachez les étudiants qui sortent de l'université? Oui, en fait, c'est un petit peu... en fait, nous avons beaucoup recruté dernièrement, surtout en production. Ça dépend un petit peu des postes qui sont offerts au niveau de la compagnie. En production, comme c'est assez rare de trouver des personnes qui ont une expérience parfaitement pertinente, nous recherchons surtout des personnes travaillantes et rigoureuses et minutieuses que nous formons de toute façon à nos techniques de fabrication très particulières. Oui. En R&D et ingénierie de production, nous recherchons surtout des personnes qui, grâce à leur formation et leur expérience professionnelle, sont capables de s'intégrer dans notre équipe et de s'ajuster rapidement aux contraintes industrielles. Peut-être qu'on peut donner le site de FISO, il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Absolument, le en connaître plus sur vos technologies, parce que là, on découvre un monde. En fait, j'invite vos auditeurs à aller voir sur notre site qui est le www.fiso.com. Là, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les capteurs dont j'ai parlé. Il y a beaucoup de postes ouverts actuellement. Ben, peut-être que ça allumera quelques étincelles pour des jeunes qui se cherchent une voie, peut-être. Merci beaucoup, M. Pinet. Je rappelle que vous êtes chercheur principal chez FISO Technologies. Je vous remercie.